Donne-moi, donne-moi ta main, camarade. À qui même les rois ne peuvent donner loi. Qui peut à chacun son plaisir qui a... Non. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ta main, camarade. Il y a un pays. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ta main, camarade. Il y a un pays où les hommes sont... Donne-moi, donne-moi, donne-moi ta main, camarade. Qui vient d'un pays. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi ta main, camarade. Où les hommes sont beaux, où les hommes sont. À qui même les rois ne peuvent donner loi. Chacun à son plaisir t'écrit. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux, où les hommes sont rois. Donne-moi, donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays, donne. Où les hommes sont beaux. Qui vient d'un pays. Où les hommes. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi. Give me your hand. Camarade, les hommes sont dans les chambres, l'herbe les filles qui ont la peau douce, la vente pour manger. C'est le marché total. Marché total, où tout est à vendre, tout le temps, à tout moment. Ah, t'as du pognon, t'as ce que tu veux, t'as le plaisir. Consommasse, conso. Matin. Get mommy, there's no drones up in the sky. Today, yeah. Get mommy, there's no drones up in the sky. Today, for one. Donne-moi, donne-moi. Après la propaganda, publicité interplanétaire, Toda ne peut plus vendre, n'a plus rien à vendre. C'est la fin de l'insouciance. Ça l'était déjà quand on se donnait, quand on se donnait. Donner la main, camarade, quand tout se donnait, donnait, donnait la main, mes camarades. les oiseaux, les cascades. Donnez la main. Où les hommes sont rois. Même les rois ne peuvent donner loi. Mon Vinéus, mon cher Vinéus, mon ami, refuse et dit à qui même les rois ne peuvent donner loi. Ouais. No God, no Master, no King. No. Alone in the dark, baby must be crazy, enveloppe sonore. Enveloppe mes sens et me fait sentir. Try again to fade better. Des déserts d'amour. s'approfondir. But to make sounds able to listen, able to see, able to make sounds without instruments, able to create au pied du volcan. À l'envers. Alice allait tomber dans le trou, passer de l'autre côté du miroir. De l'autre côté. Du collectif. De l'autre côté du miroir, tout d'un coup, Alice se sentait